mes amis, soyez attentifs, car vous pouvez, à partir de maintenant, monter le volume et humer la différence, car c'est parti, mon kéké. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Sans limite et sans règles, sans mythe et sans oseille, on avance dans le brouillard, guidé par nos plus grands espoirs. Sans père et sans envie, sans thune mais envie, chaque pas dans le noir est freiné par le blizzard. Mais on ne faiblit pas, on entretient cette vie de route, de dépendance en dépendance, on dépend de notre propre déroute. La vie est belle, on en profite, je m'en foutiste coûte que coûte. À 5 à 1000 sur un scout, un platane mettra fin à nos doutes. C'est une jeunesse éternelle qui rêve tout bas, qui rend sa vie plus belle chaque jour ici bas. C'est une jeunesse éternelle qui fume et n'oublie pas que de son timbre elle ensorcelle quand elle fait entendre sa voix. Viens, on dit qu'on s'adore à 3 grammes en corps à corps. Peu importe le décor, ensemble on couchera dans l'aurore. Dans les sous-sols et les couloirs, on l'a ses lumières éteintes. Dans l'amour faste et la nuit noire, la gueule vissée dans les enceintes. Et comme sans nous tout se passe, alors du jeudi au dimanche, on n'attend pas, on se colle des races, on vit la nuit pour qu'elle soit blanche. C'est une jeunesse éternelle qui rêve tout bas, qui rend sa vie plus belle chaque jour ici-bas. C'est une jeunesse éternelle qui fume et n'oublie pas que de son timbre elle ensorcelle quand elle fait tendre sa voix. Je préfère être sourd que d'affronter mes peurs. Regarde comme le ciel est lourd, chargé d'orage et de rancœur. La pluie battante sur tes cils et les lueurs des réverbères se confondent sur le parking en eau trouble et reflets de bière. C'est une jeunesse éternelle qui rêve tout bas, qui rend sa vie plus belle chaque jour ici-bas. C'est une jeunesse éternelle qui fume et n'oublie pas que de son timbre elle ensorcelle quand elle fait tendre sa voix. On y va, mets de l'écho, Gilbert, mets de l'écho, on y va. D'avoir vécu le cul sur l'herbe tendre, et ta voix su m'étendre. Oui, Adrienne. Quand j'étais amoureux, j'aurais vécu obscur et sans esclandre, en gardant le cœur tendre le long des jours heureux. Oui. Pour faire des vieux os, faut y aller mollo, pas abuser de rien pour aller loin. Aller très loin avec Adrienne Poli. Pas se casser le cul, savoir se fendre, oui, de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Oh, oh, pas sur la canne, on passe casser le cul. Savoir se fendre, de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Adrienne, pas se casser le cul, savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Pas se casser le cul, savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Adrienne, la barbe attend pas Adrienne. Pas se casser le cul, savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu, sous tes yeux Adrien. De quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. L'incontournable Adrienne Poli, une chanson de Gainsbourg, extrait d'un film. Avec qui il chantait? Question quiz! Il n'y a rien à gagner. Ah, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien à gagner, moi, là. Tous les... À la radio, parce qu'on est à la radio. Oui, vous êtes à la radio. Vous êtes sur CKRL, le 89,1 à Québec. Mais quand tu le dis en onde, faut enlever la virgule. Donc, on doit entendre, vous écoutez CKRL, le 89.1 à Québec. C'est bien compliqué, cette affaire. Non, c'est une question d'audition, c'est une question de confort sonore et surtout de purisme. Car heureux. Oh, il y a du morse qui s'entame. Heureux. C'est pas ça du morse, c'est tout, c'est pas du heureux. Ouais, mais ça, c'est du nouveau morse. Puis en plus, l'ancien. Ben, en fait, l'ancien morse n'existe plus. Crée-moi pas. Il y avait un morse en Alaska. Il était tout seul, puis envoyait des messages. T'as de la misère à partir, hein? T'as de la misère à te placer sur la première. Car après un, c'est difficile. C'est difficile parce que je crois que mon moteur étouffe. C'est bien beau qu'on me dise « modeur le moteur », mais moi, le modeur, je connais pas ça. À part ma mère qui me disait souvent « En anglais, maman veut dire mother. » Pardon? Maman? Oui, maman. Veut dire mother. Veut dire mother. Mais dis-le mother. Mais mother, mais ça veut, ce que je veux simplement te faire entrer dans ta petite tête de poussino, oui, c'est que maman, oui, ça veut dire en anglais mother. OK. Et ensuite, qu'est-ce que ça peut faire? Ben, ça fait absolument rien, mais si tu dois aller aux États-Unis t'exprimer devant ta maman ou dire que ta mère était fabuleuse, extraordinaire, fabulous mother. Hey, qu'est-ce qui se passe, là? Non, non, non. Tu dis pas, ma mère est fabuleuse aux États-Unis. Ils vont pas te comprendre! Sont bouchés! Tu savais pas ça? Sont bouchés! Ils sont tellement bouchés que même avec la pompe, là, on essaye de les pomper en disant, hey, il n'y a pas juste les États-Unis, là. Revenez à vous, revenez à vous! Il y a l'Asie aussi, là. Hein? Il y a la Russie aussi, là. Puis il y a le Québec aussi, là. Mais là, le Québec pour les États-Unis, c'est quoi? C'est quoi? C'est une larme dans un océan de sociétés qui se cherchent elles-mêmes. Nous sommes à la chronique « Mange ton frein et votre honneur ». C'est nouveau. Alors moi, je pars des affaires de même, mais ça dure juste le moment où tu l'as nommé. Après ça, fini. On va pas plus loin. On va pas plus loin. Mais ce qui est désolant, on saute du coq à l'âne, comme d'hab. Ce qui est désolant, c'est que on voit, on estime, en fait, on se rend compte, en un mot, que notre été est presque passé. Et il y a une belle chanson de Clémence Desrochers que je ne vous chanterai pas, mais qui dit, ça s'appelle La chaloupe vers chair. Est-ce que c'est La chaloupe vers chair? Ça serait bien la présenter, hein? La chaloupe vers chair? Oui? Plus tard. OK. Bon, on vient de me glisser dans l'oreille que nous allons continuer comme si c'était normal, là. Même si le plafond fuit, même si les mots fuient, même si l'errance se faufile à travers toute cette anarchie qui l'anime depuis tant de temps et qui lui donne cette vivacité sonore. J'ai dit, ben sonore, exagère pas, ton public saigne des oreilles à chaque fois. Deux heures de saignement, ça leur prend une semaine pour revenir. Ils veulent même plus aller à l'hôpital parce qu'à l'hôpital, ils disent, ah, on a eu des cas la semaine dernière, là, hein? Vous écoutez une émission de radio, vous, là, hein? Parce qu'on dit, monte la mesure, c'est quoi, non? C'est, monte le volume. T'as monté le volume? Tu t'es fait saigner les oreilles. C'est pas parce qu'on te le dit que tu dois le faire, là. On s'adresse à du monde intelligent, pas des moutons. C'est pas parce que le gars t'a dit, rafraîchis-toi, jette-toi dans le bain. Si tu sais pas nager, tu te jettes dans le bain, c'est terminé. Une commotion cérébrale. Patao! Parce que tu mets pas beaucoup d'eau, hein? Et c'est normal, moi, je sais pas nager. Puis en même temps, je sais même pas prendre mon bain. J'ai appelé pour avoir de l'aide. Vous avez appelé qui? On m'a dirigé. On vous a dirigé. Ben, vers le téléphone, ça c'est bon. Vous vouliez appeler quelqu'un, puis on vous a dirigé vers le téléphone et vous avez composé. Ben. Oh, mais là, je m'en rappelle plus, là. On m'a soufflé un numéro. Oh, et ça donnait. Et puis, qu'est-ce que ça fait au bout du fil? Ben, c'est très étrange. Quand ça a répondu, là. C'est ça que ça donne. J'ai fait comme un soubresaut. Comme j'avais la prothèse dentaire qui n'était pas collée, elle est tombée sur le sol. Et comme j'ai perdu l'équilibre, je me suis affaissé sur ma prothèse dentaire amovible. Et l'histoire veut qu'elle n'a pas cassé. Elle n'a pas cassé, mais là, j'ai repris l'acoustique parce que je n'en croyais pas mes oreilles. Je croyais que c'était uniquement à l'émission Errance Rénadienne sur CKRL de 89.1 à Québec qu'on pouvait crier comme ça. Mais non, le monsieur avait vraiment dit... C'est vrai, ton raison! Bon. Alors là, j'ai gardé le numéro de téléphone, puis j'ai appelé une maison de repos. Il a besoin de repos, ce petit monsieur-là, là. Hein? Monsieur, avez-vous besoin de repos? C'est vrai, ton raison! Bon, il a besoin de plus d'un repos, là. Moi, je dirais une petite médication, très solide, là, pour l'endormir pendant au moins 3-4 semaines. Puis après ça, vous commencez tranquillement le soluter et trouver la solution à ses problèmes. C'est bien beau le soluter, mais là, après, il faut qu'il se dirige dans la vie. Il faut qu'il continue son bonhomme de chemin. Mais là, disons qu'il y a le bonhomme passablement dérouté. Puis il y a le bonhomme, sais-tu jouer? Puis le bonhomme, là, quand il ne sait plus jouer, sais-tu jouer de cet harmonico-là? C'est terminé. C'est pas l'harmonica. Faut-tu être débalancé? Ce serait plus facile de dire bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer de ces gringos-là? De ces gringos-là? De ces pitots-là? De ces musiques-là? Bonhomme! Mais là, le bonhomme était parti, les deux pattes en l'air, la langue étirée, j'ai dit. Ben oui, moi j'ai dit, il souffre de. Tu sais, tu tombes. La connaissance te part, l'intelligence aussi. Hein? Puis là, t'as comme les yeux dans la gaspissette. Puis là, quand t'as les yeux dans la gaspissette, le plus difficile, c'est que tu sens le cyclone qui va t'emporter les deux yeux, qui va ensuite descendre dans les bas-fonds. Tu vas vivre, peut-être pas l'existence au complet, mais au moins tu vas. Malheureusement, au moins, c'est pas au moins, mais malheureusement. Tu vas voir l'ignominie. Quand tu vois l'ignominie. Quand tu vois l'ignominie. C'est bien difficile cette émission-là, à soir. On m'a dit, ça coule comme de. C'est comme d'habitude. Tu y vas, tu te lances, on ne te rattrapera pas. L'ignominie. Bon. L'ignominie. Quand il a vu l'ignominie, parce qu'il est descendu, là, les yeux ils ont descendu, puis c'était juste le regard. Le corps restait. Sur un lit de soie, un lit de velours. C'est mieux de. Moi, je te conseille le velours parce que ça glisse la soie. Puis si tu te pètes la tête en ayant les yeux qui descendent vers presque l'enfer, là, vers le noyau, puis là, la tête te part, piou! Là, tu perds sans connaître, t'as plus sans connaissance, là. T'as des millions de connaissances qui arrivent en même temps, puis t'as les yeux qui sont même plus vis-à-vis des trous, sont partis, ces yeux-là, pour descendre, comme je disais depuis tantôt, comme l'ascenseur. Tu penses-tu des affaires dans cette vie-là? Ça fait-tu peur de vivre? Il n'y a pas de manuel d'instruction, puis il n'y a pas d'Emmanuel pour te frictionner le tympan quand t'as mal. Il y a la dure réalité. Puis dis-toi une chose, la dure réalité, là, c'est comme deux sumos qui essayent de te remettre sur le bouton, sur le piton, sur le droit chemin en te massant. Imagine-toi! Deux hurluberlus appelés des sumos sur toi pour te replacer les esprits, surtout la musculation puis les os. Et hey, là, t'es voyant, donc les yeux sont dans le bas, tu viens de perdre la tête, ça va pas très bien. Ça va pas très bien, puis tu te dis, mais ça fait depuis tout le mois de 2000, ça fait toute l'année 2018, ça va pas bien, ça peut pas s'améliorer. Tant mieux, ça poursuit son bonhomme de chemin. Puis quand tu te rends compte que c'est pas son bonhomme, c'est sa bonne femme de chemin, avec le rouleau à pâte, qui dit « À quelle heure t'es rentré, toi? » Mais là, je suis pas rentré, je suis pas sorti, moi, là. Je fais du surplace depuis le début de ma vie. Et je contribue aussi à ne pas utiliser toutes les essences pour ma locomotion. Parce que moi, je compte, moi, la destruction de la planète. En restant sur place, hein, je suis favorable, hein, à une stagnation de l'humanité pour ainsi garder notre essence, nos piles aussi, nos batteries, rester sur place, et histoire de tranquilliser la société. C'est bien beau dire que la Terre appartient à tout le monde. Ça, je la comprends, celle-là. Moi, je l'ai connue. Quand j'ai été dans des institutions éducationnelles, je sais que même si je vous dis que j'ai été dans des institutions éducationnelles, vous ne me croyez pas. Quand il y a des grains de la bave dans le micro, est-ce que ça peut s'arrêter ou me court-circuiter le tympan? En tout cas, on verra. Alors, il disait quoi? Ah ouais, c'est ça. C'est pas parce que j'ai. Ça commence déjà à faire. Non, il va t'expliquer sur ton Shure, parce que toi, tu utilises un Shure. Un Shure SM58, il y a déjà une petite éponge à l'intérieur. Faites-vous-en pas, tout va bien. OK. Alors, sociétal, l'univers, qu'est-ce qui se passe dans la planète, tout va bien. Où j'étais rendu, moi, Madame Thibodeau? Mais? OK. Non, ça. Ben parfait. Vous savez ce que vous avez entendu tout à l'heure en ouverture d'émission, là? Est-ce que vous en rappelez? Non? Bon, ça tombait moi non plus. Non, c'est pas vrai. Ah non, je m'en... Non, c'est un rire forcé. Non, pas forcé, forcé.

manteaux blonds dans des manteaux, manteaux de velours. Alors elle passe son temps à lire des BD, 3h du matin, la télé allumée. Et le voisin du dessus, une lampe à la main qui cherche son chemin à la vélo. L'avez-vous vu? On nous ment sur ci, on nous ment sur ça. Alors t'envers tout, tout envers ça, tout se renversa. Sur le nappe, une tâche, la vie c'est comme ça. On nous ment toujours, on nous ment toujours. On nous ment tout. On nous ment tout, on nous ment tes gars, on nous ment tes cristaux, on nous ment tes souris, on nous ment sur tout ça. Une lampe à la main, laisse son chemin, avec vous. Une lampe à la main cherche son chemin. L'avez-vous vu? L'avez-vous vu? Dans les rues de plaisir et les ourlets de dentelle et des petits rires. On nous ment de loin, on nous ment de près. Ce n'est qu'après qu'on sait le comment, qu'on voit le pourquoi, qu'on lit le secret. On nous ment pendant, on nous ment avant, on nous ment après. On nous ment sur cela, pas du tout ce qu'on lit, pas ce qu'on croit. On nous ment le matin, on nous ment le soir. On nous vend l'espoir. À l'hiver ou l'été, tout autant que l'amour. On nous vend la beauté, un lapin dans les bras. Mais abracadabra, j'en nous ment sur quoi? Dans l'immensité de la grande cité, j'avais choisi le mensonge. Dans l'immensité de la grande cité, je ne sais pas comment on y va, à pied, en métro ou à vélo. Plusieurs fois je crois être amoureuse, mais on m'envoie toujours voir ailleurs. Je n'ai pas le don de l'orientation, c'est qu'avoir du nez n'est pas inné. On me dit d'aller voir sur ma piste si ça y est. On me dit d'aller voir sur Wiki où que ce serait. J'ai même un GPS, une boussole, un compas, une carte de la Terre vue d'en haut et d'en bas. On dit que quand on est amoureuse, on y est toujours de bonne humeur. On crie des saluts à des inconnus, et même qu'on sourit à ses ennemis. Et toutes celles qui ont été amoureuses, elles reviennent toujours à contre. soit à un autre endroit. Auquel cas je crois que je n'irai plus jamais, que je n'irai plus jamais, que je n'irai plus jamais y mettre les pieds. À une valseuse. Pendant que vous valsez belle, gaie, légère, dans les bras du premier venu, et que vous vous acceptez l'étreinte passagère d'un étranger, d'un inconnu, vous, la femme si bonne et la vierge si pure, ignorant tout du sombre mal, vous subissez, modeste et douce, la souillure des désirs qu'avive le bal. Et sans en rien savoir, livré à la cadence, vous ne sentez pas que des bras vous possèdent bien plus que n'exige la danse. Vous valsez et ne pensez pas. Mais moi, qui vous adore et tremble de le dire, qui vous aime comme de loin, qui connaît la vertu de votre cher sourire, hélas, moi qui ne danse point, je ne mérite pas cette faveur insigne de presser vos petits doigts blancs, et je n'ai pas le droit, moi, l'ami trop indigne, qu'à le dernier de vos galants. Valsez, charmante fille, aux jolis pieds agiles, qu'on se repasse tour à tour, comme ces fins bijoux délicats et fragiles qu'on admire et qu'on aime un jour. C'est un poème d'un Québécois qui s'appelle Louis Dantin, né en 1865 et mort en 1945. C'est bien! Je suis tombé là-dessus il y a quelques minutes, en faisant de la place pour ma bière, parce que je fais ma... Excusez, là, c'était le moment poétique. Puis pourquoi pas, tiens, avant de partir en grand désinvolture improvisatrice, retournons. Écoutez, mon ami, Madame Paris. Moi, je l'ai nommée Danse. Mais c'est pas le bon titre. Non. Danse, danse. Moi je bats la cadence pour que tu danses. Danse, foutu. Ma neige, tes rangs sous l'on danse, danse. Depuis notre plus tendre enfance, danse. Faut bien qu'elle tourne la grand roue, même si c'est pour tourner en rond. Faut bien qu'elle tourne la grand roue, même si c'est pour faire un petit tour, deux petits tours, trois petits tours et puis s'en vont. Danse, danse. Moi je m'avance et toi tu danses. Danse foutu, manège tes en sous l'on danse, danse. Pour oublier tout ce qu'on dépense, danse. Faut bien que tu tournes la grand roue, si tu veux qu'un jour ça roule pour toi. Faut bien que tu tournes la grand roue, où tu n'auras plus qu'un petit tour, deux petits tours, trois petits tours à faire sur toi. Pira papi papa pipa pipa péro. Tu danses, danse foutu manège, romance, où l'on se croirait en vacances. Et danse, mais c'est tout sauf des vacances. Tu manèges, pas de chance. Oh. ou sans toi je suis en carence. Moi je m'en balance tant que tu danses, danse foutu, manège tes mansous, l'on danse, danse, pour donner à la vie un sens, danse, danse, danse. Mais le vent tourne et la grand roue ira bientôt tailler la route. Et ce jour-là, sans la grand roue, tu n'auras qu'à passer ton tour, ton petit tour de rien du tout, un point c'est tout. Pira-pa-pi-pa-pa-pi-pa-pi-pa-pe-o. Danse, danse, allez danse. Danse, danse, mais allez danse. Danse, danse, dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan. Là, ce que vous voulez savoir, c'est le vrai titre, hein? Puis pourquoi je l'ai appelé danse lorsque j'ai rencontré mon amie Pauline lors d'un spectacle de mes bancs publics à Paris dans le, sur la rue des Abbesses. J'aime ça la rue des Abbesses, moi. On va se demander si on baisse sur la rue des Abbesses. C'est une question qu'il ne faut pas poser puisque la réponse risque de ne pas passer ou être diffusée. Tout se fait sur des bancs publics sur la rue des Abbesses. De la musique jusqu'à la base. Vous vous dites. Ah non, parce que je me suis fait arracher la dent, puis on dirait que vous vous dites. C'est vrai. Non, mais je suis quand même. Je suis comme un enfant, moi. Oui. Je constate constamment. Hey, tu constates constamment, c'est pas mal, ça? C'est comme dire et redire. Pierre sous la pierre. Raymond le cochon. Gaétan la bidoune. Non, qu'est-ce qui se passe? Oui, la lumière. Que la lumière soit sur ta bouche. Hey, la lumière sur la bouche. Aïe, aïe, ça doit brûler, hein? Que la lumière vienne sur ta bouche. Ça, c'est mieux, là. Là, c'est. Mais ça m'intéresse moins. Parce que plus c'est surréaliste, plus ça m'accroche. Puis plus ça m'accroche, puis plus c'est dur de me désaccrocher, hein, de m'enlever du crochet. Puis là, si je me retourne vers moi, ah, c'est ça, je plafonne. Et là, vous demandez pourquoi je dis je plafonne. Ouais, ça titille dans mon... En tout cas, moi, c'est une question technique, madame. La technique et moi, ça ne fait que... Hey, avez-vous remarqué en parlant qu'un autre vient de partir. Un homme que je trouvais intéressant. J'essaie de trouver quelque chose là de intriguant, moi. Burt Reynolds. Est-ce que c'est ça? On dit-tu Reynolds? Ben, appelez-moi pas Reynolds Gagné, s'il vous plaît. On va aller voir. Oh, mademoiselle, bonjour, ça va? Coucou, je suis une nouvelle par ici. Merci pour l'acceptation. L'acceptation, bisous. Bon, comment ça coûte, ça? Mais, célibataire 2018. Bon, OK. Oui, on parlait de Burt Reynolds. Excusez-moi, là, je me suis fait enfirouapper par madame qui disait, oh, Cassandra. Elle s'appelle Cassandra. Puis, il me semble que c'est un nom emprunté, ça. Oh, ça sent la... Comment t'appelles ça, non? Il y a plusieurs noms qu'on peut prêter à ce genre de personnage. Mais ça ne vient pas. Les idées ne viennent pas, Mme Thibodeau. C'est-tu le moment de faire l'émission? Vous croyez non? On est déjà... Oui, on a entamé. On a beaucoup entamé. Ah, mon Dieu. C'est quand tu prépares le punch, hein? Tu l'entames pour savoir si c'est bon. Puis lorsque tu dis « on arrête là », t'en as presque bu la moitié. Puis là, quand t'arrives pour le déposer sur la table, c'est un peu moins. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah, une escorte! Ça doit être une escorte. C'est un nom d'escorte, ça. Cassandra... Nalapalaise. Non, mais c'est pas parce que tu t'appelles Cassandra, mon ami, qui écoutait Errance Renadienne, que vous en êtes une. Ouais, on devrait faire un montage là-dessus, hein? C'est pas une bonne idée, hein? Non, mais il y a du monde qui vont m'écrire, là, qui vont dire « RNA, je m'appelle Cassandra. Je suis une étudiante en littérature française. » J'étais très peiné et très choqué de ce que tu as divulgué sur CKRL ce beau 15 octobre. Je ne croyais pas que tu étais un homme qui... Je ne suis pas un homme, madame, je suis un garçon. Je ne savais pas si tu étais... Je ne croyais pas que tu étais un garçon comme ça. Te fier au prénom pour nous saloper, pour nous souiller, pour nous cracher dessus. Ben là, cracher dessus. Un prénom ne représente pas un travail, ne représente pas une entité, ça représente une personne. Quand tu t'appelles Fifi. Oui. Que t'es chanteuse. Oh, mais tu peux être aussi Brand d'acier. Fifi Brand, la grande Fifi Brandassi avec les cheveux, là, tout le monde voulait ressembler. Non, je pense pas, personne voulait. À l'école, là, les rousses n'ont jamais tenté de se placer des cheveux à la Fifi Brandassi. Mais là, je parle de Burt Reynolds, puis je me suis fait avoir par Cassandra. Toutes les Cassandra, là, je vous aime. C'était un nom comme ça, mais c'est vraiment ce que je lis actuellement, là. Coucou, je suis une nouvelle par ici, merci par l'acceptation. Puis c'est Cassandra, mais c'est le nom et le prénom qui me semblent un peu escorte, là. Tu sais, c'est pas Thibodeau, c'est pas Pelletier, c'est pas Lemieux, c'est pas Gagné, c'est pas Fortin, c'est pas... Non, c'est pas Bouffard, bon... C'est un peu Brunzel, tu sais, exemple, Cassandra Brunzel, ça fait un peu escorte, là, pas tout avant, mais il faudrait que j'aille voir s'il y a beaucoup de Brunzel au Québec. Bon, là, on parle pas de Brunzel et de Cassandra, on s'en balance de tout ça, là, on va aller voir Burt Reynolds, puis on fera pas de montage, Burt, on prendra les critiques. Ah non, c'est Burt Reynolds, pas de S. Hein? Ça dépend d'où? M'en va cliquer, m'en va regarder. Okay. Ah, c'est un S. Certains, hein? Nous sommes sur Internet. Donc, il faut dire que ce n'est pas des journalistes professionnels qui écrivent dans la presse, qui écrivent... New York Sun, ça existe encore, New York Sun? En tout cas, le New York Post... Ça existe encore, New York Post? Je pense que c'est mort de sa belle mort, New York Post. Mais en tout cas, c'est Burt Reynolds. Puis je pense qu'il y a eu un AVC, un ACV. Il est né le 11 février 1936 à Lansing, au Michigan. Et mort le 6 septembre 2018. Ils disent pas de quoi. Il est principalement connu pour... Ben, les films que moi, ce que je me souviens de lui, c'est Délivrance. C'est un film extrêmement intéressant, très choquant, très poignant, très vrai, très puissant. Puissant, on va enlever le vrai, très puissant. Je l'ai vu aussi dans des films aussi... dans une prison... Ah, Boogie Night aussi, ouais, là. Ouais. Hey, monsieur, comment ça va? Non, hey! Tu bouillonnes, toi? Ouais, mais ma casserole est restée entrouverte, hein? Puis ça, c'est la vapeur. Boogie Night, c'est un film extraordinaire. Si vous voulez le voir et le revoir, là. Et quand vous allez visionner ce film-là, quoique on ne le visionne plus aujourd'hui. Non, parce que pour visionner, il faut un projecteur. Donc, à la télé, si vous le regardez, vous allez comprendre et aimer le patin à roues alignées. C'est très, très, très intéressant. Surtout la jeune fille qui en fait, là, oh, dans le film. Là. La fin, rigolote. Selon quelqu'un que j'ai connu, naguère. Ça, c'est avant. Ah oui, ça, c'est avant la guerre. Naguère, c'est 2-3 jours avant. Après ça, c'était épouvantable, hein, parce que c'était... C'était quoi, là? Ah oui, c'était la guerre. C'est pas beau, la guerre. Faut pas se battre. Faut s'aimer. Ben, naguère, j'ai... Non, lui, ça s'appelait pas naguère. C'est comme l'autre, là. La sulfureuse. Là, c'est... En tout cas, même s'il n'a pas son nom, c'est pas important. Je m'en souviens plus de son nom, mais on s'en balance. Il m'a dit que tout ça, c'était un montage, la fin. Là. Quand le gars présente ses intérêts, là, C'est pas vrai. Ben, c'est oui, dans le film, dans le récit filmique, dans la construction narrative, tout cela, c'est de la vérité. Mais c'est un accessoire que l'on voit tomber. Oh, hein, ça vous intrigue d'aller voir ça, Boogie Night? Hein? Regardez pas les trois dernières minutes, vous serez punis! Ah oui, ah oui, ah oui, et ça, là, c'est comme des messes noires, là. Si vous commencez par la fin, c'est très mauvais pour vous, hein. Votre karma va vous suivre tout le temps, puis as-tu déjà vu un karma te suivre, toi? Eh, monsieur Tremblay, monsieur Tremblay, vous pleurez encore, hein, il se souvient, hein, son karma, pendant 58 ans, son karma l'a suivi avant. Tout le temps avant. Donc, on voyait l'ombre de son karma avant de voir l'ombre de ce bonhomme-là. Il était plus capable. Il était plus capable. Et là, il a rencontré des spécialistes. Puis des spécialistes. Puis des spécialistes. S'il vous plaît, que ça lui a coûté cher. Il compte encore ses scènes noires. Puis je lui dis, Monsieur, les sous-noirs ne sont plus acceptés, c'est terminé au Québec. La banque n'est plus intéressée par les sous-noirs. Si vous avez 15 000 piastres de scène noire, ils vont pas en prendre une maudite. Vous allez être prêt avec ça, enterrez-vous avec, vous allez creuser davantage. Mais je vous conseille un sable mouvant. Ils vont eux-mêmes descendre. Vous allez vous rendre en Chine. Vous ouvrez. Hey, non, mais je vous conseille. Si vous allez en Chine, là, dans votre tombeau, là, réanimez-vous vous-même en mangeant quelques scènes noires. Ça doit avoir de l'énergie. Ça, c'est rempli de fer, ces scènes noires-là. Revenez à la vie, puis ouvrez un dépanneur en Chine. Appelez ça le Québécois, tabarnouche. Ça serait merveilleux. Puis appelez-nous, s'il vous plaît. On va vous donner le numéro de téléphone, c'est CQRL. C'est ce qu'il y a à dire. Oh, hein, comment? Oui. Oui. Oui, mais voyons donc, ça s'est fait rapidement. C'est rapidement, ça? C'est plus rapidement que ça? Oui. Nous avons... OK. D'accord. Est-ce que... Attendez. Est-ce que nous l'avons en ligne? Oui. Nous l'avons en ligne. OK. Bon, OK. Là, je vais expliquer aux auditeurs de CQRL. Ne paniquez pas. N'appelez pas les autorités, 911, n'importe qui, n'appelez pas. Restez chez vous, tranquille. Écoutez la radio. Surtout, faites pas comme Orson Welles dans son émission radiophonique. Restez calme. Restez calme. Bon. C'est la première des choses. Moi, je vous conseille, allez vous faire couler un petit verre d'eau. On va prendre le temps. On va prendre le temps du petit verre d'eau. Puis, pendant ce temps-là, tiens. Puis on va vous dire qui nous allons rencontrer dans 2 minutes 53 secondes. C'est incroyable. Ça se passe à Renadienne sur CKRL. Aérance Renadienne. Amstram, gramme, pique et pique, collégramme pour et pour. Ratatam, Amstram, gramme, car à toi si tu me roules. Amstram, gramme, pique et pique, collégramme pour et pour. Ratatam, Amstram, gramme, je t'aurai toi et ta poule. Dis-moi tout. Depuis le début. Jusqu'au jour où je vous ai vu. Dans quel hôtel? Quelle position? Et pourquoi elle? Réponds à ma question. Amstram, gramme, pique et pique, collégramme pour et pour. Ratatam, Amstram, gramme, je ne ferai plus l'amour. Amstram, gramme, pique et pique, collégramme pour et pour. Ratatam, Amstram, gramme, et toi non plus mon amour. Dis-moi tout. Lui parlais-tu parfois de nous? De tout nu. coup. Tu murmurais. C'est toi mon meilleur coup. Amstram, gram, pique et pique, collégramme pour et pour. Ratatam, Amstram, gram, moi au trou et vous dans le trou. Amstram, gram, pique et pique, collégramme pour et pour. Ratatam, Amstram, gram, t'avais qu'à m'aimer toujours. Amstram, gram, pique et pique, collégramme pour et pour. Ratatam, Amstram, gram, moi au trou et vous dans le trou. Amstram, gram, pique et pique. Toujours pique et pique et collégramme pour et ratatam, t'avais qu'à m'aimer toujours. Je relate un peu ce qui est arrivé, ok? On est un peu excités ici, là, dans le studio, tout le monde se promène et puis ne savent pas vraiment comment ça va se terminer parce que nous avons l'homme qui est décédé dans un tombeau rempli de sel noir, qui a descendu dans du sable mouvant et qui se grâce à l'émission Errance Rénadienne, là. Grâce aussi à l'imaginaire que tout ça peut créer. Bon. Il est descendu tellement creux qu'il s'est rendu, hein? Oui, directement en Chine. Son tombeau, tu es en Chine. Il a mangé 3-4 sel noir, il s'est réanimé, il a ouvert un dépanneur. Nous avons l'homme au dépanneur en Chine et il a. Oui, oui, exactement. Sa bannière s'appelle le Québécois. Monsieur, comment ça va? Oui. Oui, ça va bien. Oui. Nous sommes en Chine actuellement. Oui. Quelle heure il est? Oui. Oui. OK, il est oui. Bon, il est tard, hein? Vous ouvrez 24 sur 24? Oui. Combien avez-vous d'employés? 4? Oui. Font des chiffres de quoi, là? 60 heures par jour? Oui. Là, en Chine, c'est pas comme au Québec, là. Non, mais là, il faut avertir notre public, là. En Chine, il n'y a pas d'heure. Ça fonctionne quoi, là? Ça fonctionne à l'année? Une année, c'est quoi, une journée? Oui. Êtes-vous fatigué, mon cher monsieur? Oui. Aimeriez-vous retomber dans votre tombeau puis remonter? Oui. Bon. Là, vous m'avez dit, pendant que mon ami Paris, Geneviève Paris, chantait Pélipique et Poulipique et Oui! Non, non, je suis pas en train de faire des chansons de messe noire, moi, là. Non. Pauline Paris. Bon, la chanson qu'elle nous a fredonnée d'une manière extraordinaire et que vous avez appréciée, j'en suis sûr, c'est laquelle? Oui, mais c'est Amstram Gram. Amstram Gram et tes piquets qu'on les gammes. C'est merveilleux. L'avez-vous entendu, monsieur? Oui. Vous l'aimez, hein? Vous l'aimez, mon ami Pauline Paris, hein? Oui. Je pense à quelques reprises durant l'émission, j'ai dit Geneviève. Oui. Bon. Même en Chine, on suit, hein? Allô? Ah, ça n'a pas coupé, j'espère. Il n'est pas retombé dans son... Même en Chine, on suit? Oui. Ah, bon, ça a coupé légèrement, hein? Oui. Bon. Hey, dans votre dépanneur, là, vendez-vous du fromage en crotte? Oui. Bon, du fromage... on va expliquer un peu au public, là, étranger, qui connaissent pas le fromage en crotte. Ça s'appelle pas, ben oui, familièrement comme ça. Grossièrement comme ça. Parce que qui mangerait... du fromage crotte, fromage crotte, bon. Je sais que c'est un peu repoussant. Mais c'est parce que quand vous l'achetez, c'est dans un petit sac, puis ça ressemble à du crottin. Du bon petit crottin blanc. Bon, les Québécois comme ça mangent de la marde. de fromage, là, des crottes de fromage, des... Encore là, faut faire attention. Parce qu'il y a bâtonnets de fromage. Bâtonnet de fromage, ça, c'est comme un chips. Un chips. C'est pas un fromage, c'est un chips enrobé de fromage. Donc, c'est fondant. Vous pouvez mettre ça dans la bouche, attendre que ça fonde. Bon, après 2-3 ans, là, vous pouvez avaler à un moment donné. Là, ça sera légèrement pâteux. Vous serez légèrement hypnotisé, sans doute, après 3 ans, avec un chips au fromage, un bâtonnet de fromage dans la bouche, là. On se demande là, si il n'y a pas de chercheurs qui ont franchi cette avenue-là, qui ont peut-être voulu obscurcir, éclaircir, excusez-moi. C'est comme Luke Skywalker de Star Wars, là, le noir du mal. J'ai jamais aimé ça, moi, Star Wars. J'ai jamais embarqué là-dedans. J'ai jamais compris là-dedans. R2-D2, j'ai trouvé, ouais! Là, il y a l'autre, là. Oh non, j'aime pas ça, la science-fiction avec ça. À part 2001, Kubrick, Stanley Kubrick. Bon. Puis Embrasse-moi, je t'aime, ça, j'ai adoré ça. Embrasse-moi, je t'aime, c'est science-fiction. Hey, tellement, ça, l'histoire est quand même. C'est un homme qui tombe amoureux d'une femme. De la science-fiction, c'est ça. J'aime pas ça, la science-fiction. Et puis, non, mais là, on est. Monsieur, vous êtes pas endormi, j'espère? Ah oh, non, on vous a réveillé? Oui. Bon, moi, je vous conseille fortement, parce que là, vous avez hâte de revenir au Québec, là. Oui. Là, vous avez fait une grave erreur, là, en descendant, puis en vous rendant là-bas en Chine, en mangeant quelques scènes noires, puis en vous réanimant, puis en ouvrant un dépanneur chinois qui s'appelle le Québécois. Oui. Bon. Là, ce qu'on peut faire, nous, on peut vous aider. Êtes-vous heureux? Oui. Bon. Mais là, ça dépend de quelque chose. Et c'est là que le vent peut tourner. Hey, quand même, le drame, hein? Le drame, le vent peut tourner. Hey, on aurait pu, là. Hey, vers où on s'en va? Ouh, le vent peut tourner. Ah! T'es comme une girouette. Ma petite girouette. Monsieur! Oh non, on partira pas dans des. Pour plus revenir, puis pour se souvenir. Qu'est-ce que tu disais avant? Non, on le sait ce qu'on veut dire. Écoutez-vous, à Québec, c'est KRL? Oui. Êtes-vous certain? OK. Et là, c'est cette phrase-là qui va jouer pour tout le reste. Monsieur. Quand même, on sent le suspense. Je vais t'arracher une dent, c'est pour ça. Vous allez en entendre pendant 3 ans là-dessus, le dentiste. Mais l'émission là, qui l'a raconté le mieux, là, c'est celle du 1er octobre. Allez écouter surtout, allez écouter ce qui s'est passé le 1er octobre. Oh, là, on raconte des histoires, là. Je sais des histoires, mais la vérité. À ma manière. Bon, OK. Là, monsieur, la question. On revient tout le temps, là, hein? Vous êtes mêlés, vous, là, hein? Les auditeurs, là, qui m'écoutent depuis 50 ans! Sont prêts, là, sont assis, puis ils savent très bien qu'ils ne se souviendront plus de. Non, je me souviens. Ma devise, c'est je me souviens de ce que je vais dire. Monsieur. Ben oui, vas-y, accouche. On va t'arracher à la corde bancale. Oh, non, pas à la corde bancale, parce que moi, j'ai déjà. Il me manque 2 bocaux. 2 bocaux avec ou sans Gilbert Bécaud. Non, enlève les bocaux. Monsieur, la question est la suivante. On peut vous remonter seulement si on arrête cela et on vous pose la question. Monsieur, oui. Monsieur? Oui. Bon. Êtes-vous membre de CKRL? Avant de répondre, vérifiez. Êtes-vous membre actuel, là? Ou si vous étiez un ancien membre, ça ne fonctionne pas. Faut que vous soyez un membre actif. Vérifiez votre portefeuille. Vous avez mis votre carte de CKRL. Regardez l'année. On va attendre. On ne passe pas de chanson. On l'attend. On n'est pas pressé, là. J'ai mis des patates sur le feu, moi. Ah, mon Seigneur. J'aurais dû mettre de l'eau. Ben, moi, mettre ça sur le feu, là. Oh! Ça va sentir le carbone. 14. 37, 22. On l'attend. Monsieur, êtes-vous là? Oui! Bon, là, vous regardez votre portefeuille? Oui! Ben, je vous demanderai de l'ouvrir, là. Je vais vous le regarder. Ouvrez. Regardez. Examinez dans votre portefeuille. Vous avez des cartes de membres de CKRL? Oui! Bon, en avez-vous un de cette année? Mais attention! Qui n'expire pas, là, qui n'est pas expiré. C'est ça l'important. On va vous laisser le temps. Ouais. Ah oui, moi ça va bien. Je mange mes 3 repas par jour. Non, 3 repas vers moi, c'est 3 repas, ben heureux. Moi, je ne mange pas plus que ça. Non, il y en a qui sont, hey, ça n'arrête plus, là. Ils veulent avoir des affaires, on veut avoir des affaires. Ben voyons, hey, 3 repas, c'est quand même la meilleure. Puis j'ai un toit, s'il neige, il pleut, ah mort. Ben là, c'est bien sûr que c'est neigé au mois d'octobre. Là. Des problèmes, là. Mais... quoi qu'on sait jamais, tu sais. Le temps était bizarre cette année, hein? Ah mon Dieu. Ils l'ont dit dans l'almanach du peuple. Ah, c'est d'abord, ouais. Monsieur! Oui! Bon, OK. Là, vous avez trouvé votre carte? Oui! Bon, la question. Êtes-vous membre actif de CKRL? Oui! Oh, c'est merveilleux! Là, est-ce qu'il va se passer? Vous retombez dans votre tombeau. Remettez-vous dans votre tombeau. OK. Mangez encore 3-4 scènes noires. Vous allez vous évanouir. Pas mourir. On va vous remonter après. On ouvre le tombeau. Vous êtes encore en état d'évanouissement. Donc, vous ne serez pas conscient. On va aller vérifier votre carte de membre. Si vous êtes membre de CKRL, on vous sort du tombeau. Si c'est pas vrai, on vous rembarque et on vous redescend en bas. OK? C'est parfait? Oui. Bon. Hey, monsieur, merci d'avoir participé à mon émission. Vous êtes un être extraordinaire. On vous embrasse partout. Bon, voulez-vous passer comme animateur à co-animateur à mal, pas un animateur, vous êtes pas capable d'animer, vous faites juste l'émission va être longue avec ça, hein? Oui, bon. En tout cas, on vous invite à réanimer Rénal Gagné. Êtes-vous capable de réanimer, vous? Oui. Bon, il est capable de tout faire. C'est un homme extraordinaire. Alors, parfait. On vous remonte. Les gens ne sauront pas la suite, sauf dans le journal demain. Faites-vous le sang, vous allez voir ça dans le voir. Aujourd'hui, le vendredi. Non, hey, là, ça, c'est à l'époque où nous étions heureux. Là, c'est lundi. Ah oui, c'est lundi. Aïe, non, dis-moi pas ça de même. Ça me fait mal. J'ai mal au tendon de Rachid. De Rachid. Le tendon de Rachid m'étire. La Suzy m'étire aussi. Tout le monde m'étire. Ah, mon Dieu. Puis moi, j'étire pas le temps. On est déjà en retard. Aujourd'hui, le lundi, là, on m'a regardé sur le ciboulot si c'est vrai, OK? Ben, le ciboulot, c'est le calendrier cybermédic, calendrier. Là, on a dit le 15 octobre, le 15 octobre. Parfait, oui, lundi, le 15 octobre 2018, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Vous voyez quel personnage est parti pour arriver avec l'animateur Rénald Gagné. C'est moi, Rénald. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, madame. Bonsoir, l'autre. Aujourd'hui, le lundi 15 octobre 2018, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de Florence Foin-Jonas. Et ça commence maintenant, en passant. Ouais. Bonne émission. What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky. And I Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Stars fall from the sky for you and I. Redirection, tu vas sur un site, t'es redirigé, ça c'est louche. Ouais. Pour avoir des virus, des trucs comme ça, fait que ouais. Tu bloques directement. Ouais. Et, trouves-tu que ça a pris une ampleur que tu croyais jamais vivre, Internet? Oui, c'est vrai. Jamais on n'aurait pu imaginer, et même que ça change autant aussi, que ça évolue c'est aussi vite. Par exemple, j'ai fait après, donc le HTML je l'ai appris toute seule, c'est assez facile, c'est facile. Par contre, à un moment, le Flash est arrivé. Le Java puis le Flash. Et voilà. Et j'ai fait une formation en Flash, parce que ça m'intéressait, j'aime bien, oui. Tout ce qui est un peu technique aussi. Enfin voilà, donc j'ai fait une formation. Mais finalement, cette formation, donc j'ai fait quelques sites, oui. Et voilà. Mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est-à-dire que jamais on aurait pu imaginer qu'à un moment donné, on est passé au Flash et puis après que ça n'existe plus. Enfin, les choses ont vraiment évolué très vite. Puis tu ne peux plus faire d'un site en HTML. C'est voilà. Les sites web, par exemple, ont complètement changé. Oui. On ne pensait pas non plus que les blogs prendraient autant d'importance. Oui. Vraiment, ça a évolué. Puis Facebook, en fait, on n'en parle pas. Facebook, alors, c'est on ne parle même, plus, même pas de Facebook. Il a pris vraiment une ampleur. Jamais on aurait pu penser que les réseaux sociaux prendraient cette ampleur-là. On pensait que c'était plutôt les entreprises, et finalement les entreprises ou les sites web, il n'y en a quasiment plus. Enfin, ce que je veux dire, il y a de vitrines, elles ont plus des blogs. Ben, ils ont des publicités, publicités comme ou des ça. Pages carrément sur des cookies. Des pages qui apparaissent comme ça sur Facebook. Ou Twitter, mais c'est vraiment amusant. Ouais. C'est par exemple, le webmaster, comme on imaginait que j'ai des sites et tout ça. Oui, c'est, oui, oui, oui, oui. Les sociétés qui se sont montées, qui se sont créées, il y en avait beaucoup, et ça n'existe quasiment plus. Ouais. C'est très curieux. Maintenant, on a des blogueurs, on a des gens qui gèrent. Voilà, il y a des journalistes Internet, uniquement Internet. Des journalistes, voilà, qui écrivent. Oui. Mais Monsieur Tout-le-Monde peut même faire son petit commentaire sur la vie de tous les jours. Tout à fait. Sur son commerçant de légumes, sur son... Voilà. Et donc ça, je n'aurais jamais imaginé, d'ailleurs au tout début, que ça puisse évoluer dans ce sens-là. C'est vraiment... Ça explose. Ouais, c'est vraiment intéressant la manière dont ça, dont ça a évolué. Ouais. Une fois que tu as mis au monde ta fille, qu'est-ce que tu as voulu faire? Alors, ben, j'ai fait la formation au Flash parce que ça m'intéressait de... Voilà. Mais c'était factice parce que ça n'a pas duré longtemps. Tu l'as appris, puis quelques années après, on ne parle plus même plus de Flash. Voilà. Mais parallèlement, j'ai commencé à faire donc à travailler en tant que photographe et à faire de la photo d'événementiel. Et donc là, pendant plusieurs années. Et après? Voilà. Après, alors, j'organisais des événements, donc notamment autour de la... comment dire, de la culture rome. Oui, ah oui, oui, oui, oui. Voilà. Donc, mais aussi autour de d'autres événements. Des amis qui sont romanciers. Donc, j'ai organisé des soirées. Non, pas des colloques. Ah, ok, de lecture. Des signatures. Des signatures, voilà. Donc, j'ai organisé autour de la peinture aussi, de l'art. Voilà. Et puis après, je me suis occupée d'un festival de musique. Oh, à Paris? Oui, à Paris. Qui est mort? Ouais, qui n'existe plus. Alors. Mais, ça s'appelait comment? Ça s'appelait Ménilfest. Ménilfest. Ménilfest. Donc il y avait un marché de créateurs qui. Donc on organisait. On en a fait plusieurs, on en a fait combien d'éditions? Je crois qu'on a fait 4-5 éditions de avec une grande scène, avec une. Et pourquoi c'est mort, parce qu'il y a eu des soucis, entre les artistes Non, pas les artistes, les organisateurs. Nous, en tant qu'organisateurs, entre différentes, ça n'a pas fonctionné, malheureusement. C'est vraiment dommage parce que... Alors, tu organisais des spectacles Ça, c'est organisation de spectacles de concerts. Hein. OK. De concerts. Hein. Sur place, à l'endroit même où avait lieu le festival, c'est ça? Oui. OK. Et c'est un festival, exemple, au mois de juillet, et durant l'année, tu trouvais des groupes de chanteurs, des chanteuses pour ce festival-là? Oui. OK. Ouais. Il y avait une grande scène, une petite scène. C'était où? Le marché. À Ménilmontant. OK. Voilà, ah oui? Ouais, OK. À Ménilmontant. Puis c'était payant, donc les gens entraient? Non, c'était pas payant, sauf certaines salles qui étaient payantes. OK. C'est-à-dire on a fait certaines entrées payantes, mais sur le boulevard, c'était pas payant. Est-ce que c'était des gens connus qui se produisaient ou oui, il y avait les deux? On a eu des gens connus et des gens moins connus. OK. Voilà. Donc les gens de la relève et des gens qui étaient comme Souchon, exemple, des gens bien ancrés? On n'a jamais eu, on n'a pas eu des gens aussi, aussi connus que... Enfin, si, on a eu Rachita, par exemple. Oh, ouais. Ouais. OK. Alors là, on a eu 4-5 000 personnes sur le boulevard. Ah bouillard, oui, c'est fou, hein? Il a commencé à chanter, alors là, c'était... Wow! C'était noir de monde. À quelle année? C'était il y a 4-5 ans. Ah, oh, c'est récent. Okay. Oui, c'est récent. OK. Mm. Ah oui, lui, c'est un... Ah, c'est fabuleux. Ah oui, oui. Tu le connais un peu? Oui. Il reste dans le coin de à quel endroit qu'on m'avait dit qu'il crachait, non? Dans le 11e, ça se peut-tu? Oui, oui, ouais. Mais c'est juste okay. À côté de chez moi. Et, okay. À côté du, et je connais d'ailleurs un de ces musiciens qui s'appelle Hakim Amadouche, qui est un immense joueur de oud. Okay. Et qui est je connais bien. Ménilmontant dans ce coin-là, je crois. Non, oui, dans ce coin. Ouais. En fait, moi, je suis de là. Donc, on a fait j'habite du côté de Ménilmontant. Donc on a fait on a organisé en fait ce festival de musique et donc beaucoup de musiciens de Ménilmontant sont venus en fait et après ce c'est des slameurs et voilà. Et après ce festival-là, tu t'es aligné vers quoi? Qu'est-ce qui te plaisait? Alors ben il y a 3 ans, j'ai aidé Gérard à détruire ses sculptures. Oui. Voilà. C'est quand même assez récent, ça aussi, là. Comment? C'est assez récent, quand même, 3 ans. C'est assez récent. Donc, ça nous a mis pendant 6 mois. Il a fallu que je trouve des lieux pour faire donc, ces happenings. Donc, on est allé à Genève. On est allé en Belgique. On n'a pas fait la Belgique. Okay. À Tarbes, à Marseille. On a fait à Paris deux endroits, la galerie de la fille du peintre Paul Yakov, okay. Voilà, avec lequel il était ami d'ailleurs, Gérard. Il a connu le frère d'ailleurs de Paul Yakov. Paul Yakov était d'origine tzigane. Personne ne le sait, enfin, peu de gens le savent, mais il était d'origine tzigane. Il y a des liens partout, hein? Il y a des liens à faire. Oui, ouais. Voilà. Et donc, sa fille nous a accueillis rue Seine dans sa galerie et on a fait un happening. C'était, c'était magnifique. C'était c'était un très beau moment. Et est-ce que c'est récent le fait que tu fasses des formations culinaires ou, je sais pas, des soirées culinaires, le vin et... Ah oui, alors ça, c'est depuis un an. OK. Alors, je me suis toujours intéressée au vin. Au vin, oui. Au vin. Et. Voilà, parce que j'ai le père de mon fils a travaillé dans le vin quand je l'ai rencontré. Qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait, il vendait du vin, enfin, il était conseil en vin. Et il travaillait une boutique de vin. Oui, il travaillait, okay. Voilà. Comme ici, il y a des voilà. Et enfin, il ne faisait pas que ça, mais plusieurs mois dans l'année, il faisait... voilà. Et donc, à cette époque-là, j'ai rencontré la personne avec laquelle il travaillait, qui est devenue une très grande amie, un peu comme une grande sœur, qui continue à travailler dans le vin, qui travaillait en ce moment pour la cave Vanneau dans le 7e, qui est une très belle cave. Elle s'appelle Anne. Et donc, elle m'a toujours invitée à aller goûter du vin avec elle. Des dégustations. Des dégustations professionnelles. Okay. Voilà. Donc, depuis très longtemps, je vais dans des dégustations professionnelles. C'est bien ça. C'est pas mal. Hey. Ça, c'est... Voilà, et puis elle m'a fait rencontrer un monsieur qui s'appelle Alain Segel, qui l'a formé, elle, en œnologie. Ce monsieur est œnologue et sommelier conseil, et il a écrit des livres sur le vin. Enfin, c'est vraiment c'est très pointu. Là. C'est très pointu. Ouais. Voilà. Et donc il a une boîte de formation, enfin voilà, et donc il organise des dégustations, et il organise des dîners gastronomiques. Et je sais pas comment, je me rappelle pas comment c'est venu. On a discuté et je lui ai dit, écoute, moi si tu veux, je fais de la communication, mais ça me plairait bien enfin, de travailler avec toi. C'est-à-dire que tu avertis les médias qu'il y a un événement, c'est ça? Voilà, donc j'avertis les médias, j'ai une grosse base de données, j'ai appris en fait à faire des newsletters. Donc je peux à la fois faire des photos, faire des newsletters. Alors tu vas sur place toi-même prendre des photos, c'est ça? Oui, là pour les... Je le fais... Pour un site internet ou autre chose? Non, c'est-à-dire que quand je fais la newsletter, il m'arrive de faire quelques photos. Enfin, ben oui, pour voir quelque chose. C'est intéressant. Thank you. un groupe sur internet qui s'appelle une pièce sans fond. Enfin, ça s'appelle Le Monde Vivant du Vin, c'est très joli. Oui. Donc, j'ai monté un groupe qui s'appelle Le Monde Vivant du Vin. Sur Facebook ? Sur Facebook. Donc j'ai monté un groupe et puis j'avertis les gens, je fais des événements, je crée un événement à chaque fois qu'il y a une... La semaine prochaine, il y a un dîner gastronomique, jeudi prochain, dans une cave merveilleuse. Oh. Ah, c'est dommage. Ah oui. Ah oui, à Montrouge, dans une cave en plus qui est très ancienne, qui va être détruite parce qu'elle a été vendue à des promoteurs. Oh non. Elle devrait être classée et tout va être détruit. Ça date du 19e. On devrait pas. C'est mais incroyable. Et donc c'est un endroit mais exceptionnel. C'est un scandale. Ouais, c'est un scandale. On est bien d'accord. Et personne ne fera rien pour ça. Malheureusement, la mairie ne se bouge pas. Le monsieur, il est très âgé. Ah, mais c'est pour l'argent. Hein. Ouais. Et il voulait que ses enfants reprennent. Ses enfants ne veulent pas reprendre. Il a essayé que quelqu'un... Va, et ben, c'est tout qui vient en éclat. L'endroit est exceptionnel. C'est magnifique. Tout va être détruit. Oh. Donc là, on organise un des derniers dîners la semaine prochaine. Ça me fait le cœur. Mais toi, est-ce que tu vas organiser aussi un genre de spectacle ou avoir de la musique, un peu de musique, Digan peut-être pour, Avec le. Oui. Non. Pour la dernière. Non, je sais pas. Ah non. Mais oui, c'est triste. C'est une bonne idée. Oui, ben oui, pour mettre un peu d'ambiance. Ouais. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on. C'est dîner gastronomique, les gens viennent et à chaque vin, les gens prennent des notes. Oui. C'est marrant. Hein, c'est... Oui. Donc, pour jouer le côté élitiste. Hein. Ouais. Oh, c'est sec, un peu vers la fin. Voilà. Ah oui, vraiment. Oui, c'est ça. Oui. Puis, là, après le 8e, ben, je crois que. Alors, on relève les. Alors, Reynald, qu'as-tu pensé de ce petit censeur? Ben, je le trouve un peu jeune. Il est un peu jeune. Mais c'est ça, donc c'est joué à l'expert. Voilà. Donc après, à la fin, les gens donnent leur avis ou pas. Oui. Enfin, bon, il y a un petit tour de table oui. De ce qu'ils ont pensé des accords mais et vin. Ah, c'est bien. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Alors, il y en a qui parlent pendant... 10 ouais. minutes, surtout, alors qu'on prit des notes, tiens. Oui. C'est comme à l'école, il y a ceux qui sont sérieux, les premiers de la classe, ah, oui. Et puis ceux qui sont complètement pétés, qui n'ont rien à dire. Ah oui, c'est ceux qui sont là pour se saouler la gueule, puis oh, oui, c'est ça. Ils se placent en arrière, tu vois le gars derrière, tu doutes que... C'est très amusant. Oui. Alors, encore ça, tu adores ça, faire ça. J'adore ça. J'adore tout ce que je fais, en fait. Oui, mais quand tu n'aimes plus, tu largues, tu laisses. Quand ça devient ennuyeux. As-tu des projets? As-tu tout le temps des projets? Mais là, d'autres, enfin, faire... N'importe quel projet? Ouais. Mais j'aimerais bien organiser d'autres niveaux, par exemple, de concerts ou d'expositions. Ça me plairait bien. Hey, pour la dégustation. Alors, si oui. j'ai pas terminé. Ah, okay. Il y a encore un petit projet là qui arrive. Ah, voilà. Avec Gérard Gartner. Oui. Parce qu'il y a 2 mois, on a fait une exposition ensemble. Si, j'ai fait des photos en fait tous les ans, enfin, sauf cette année, parce que je suis partie un mois là, dans les Pays-Baltes et en Saint-Pétersbourg, mais... depuis quelques années, je vais tous les ans au pèlerinage des Sainte-Marie de la Mer. Ok. Voilà, qui est un grand pèlerinage des Gitans, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, dans le sud de la France, au Sainte-Marie de la Mer. C'est vraiment fabuleux, avec de la musique, avec ta... Enfin, c'est extraordinaire. Estelle Maillard, est-ce que tu connais Estelle Maillard? Ah, ça me dit quelque chose, hein. Ok. C'est une chanteuse gitane que j'ai rencontrée ce matin. Ah oui? Oui, super. Ah bon? Ah, super. Ah, j'ai été touché, une fille humaniste. Juste à l'écouter, j'étais ému. Ah oui, une grande dame, là, elle prépare une pièce de théâtre, elle prépare un album, j'ai une femme tout azimut, vraiment. Ah, je vais regarder, ça m'intéresse. Oui. Elle va pas au Festival d'Avignon, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs... Non, elle va pas au Festival d'Avignon, parce qu'elle prépare une pièce pour enfants, 10 ans et plus, et elle prépare un album, là, elle est en répétition. Non, elle va pas à Avignon. C'est une des brillantes qui ne va pas flamber son argent à Avignon. Ah oui. Parce qu'on ne fait pas d'argent à Avignon. C'est épouvantable. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, on en perd d'ailleurs. Oui, beaucoup. Mais les artistes vont le cœur ouvert. Ça coûte très cher. Ah, oui, excuse-moi, oui, je t'écoute. Alors, donc, avec Gérard, il y a. Lui, il a été, comme il dit, confectionné. C'est très joli, j'aime beaucoup ce mot. Il a été confectionné par ses parents au pèlerinage de Sainte-Marie de la Mer. Oh. C'est joli. Hein? Oui. Ses parents l'ont confectionné là-bas. Ah. Donc il y a 83 ans. Voilà. Et donc, depuis tout petit, tous les ans, il va au pèlerinage de Sainte-Marie de la Mer. Donc, il y va tous les ans. Et toi, tu y vas avec? Oui, moi je vais. Depuis quelques années, je vais avec lui, sauf cette année, puisque j'étais en voyage et je n'ai pas pu y aller. C'est un rituel. C'est un, voilà. Et donc, on se retrouve, on y revoit tous ses amis, tous les ans, c'est toujours, voilà. Mais c'est vraiment, c'est la fête. Il y a de la musique aussi? Oui, il y a de la musique. Les gens jouent, voilà. Ils sortent la sainte de l'église, c'est ça, ils viennent pour le rituel, ils la sortent, ils la mettent. Il y a des milliers de personnes, ouais. Et tout ça, c'est vraiment incroyable. Et on reste une semaine et c'est la fête pendant une semaine. Le soir, on va écouter de la musique, enfin, il y a de la musique partout, les gens jouent dans toutes les saintes. C'est vraiment, et les gens sont fabuleux. L'année dernière, je me souviens, je suis partie, je pleurais. C'était une semaine hors du temps, comment dire. Voilà, c'était un moment, c'était complètement, le temps était suspendu. Exactement. Elle chantait à Capella et c'est une émotion. C'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Elle est transcendante, c'est une fille lumineuse, vraiment. Là, Et je vais te l'envoyer son lien, ok? Oui, absolument, puis, merci. Ah, c'est adorable. Et donc, il a eu comme projet il y a quelques mois, parce qu'il a plein de photos qui datent des tout débuts, enfin des tout débuts, ça date depuis le début du XXe siècle, et ça, le pèlerinage. Mais lui, il a des photos qui datent d'il y a 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans, il a des archives, avec Manita Zepeta notamment, il était ami avec lui, et donc avec plein de gens qui sont des réalisateurs, Tony Gatliffe, des photos avec des gens assez connus, voilà, des vieux, des gens qui sont décédés, voilà, Pépé Lafleur, par exemple, qui était un peu... Bon, bref, il a incroyable. Personnage. Et des personnages. Et donc, il y va avec un ami depuis 50 ans, qui s'appelle France, et qui lui aussi a plein d'archives photographiques. Et donc, il y a quelques mois, ils m'ont dit, on voudrait faire une exposition des tableaux, de toutes nos photos, et des miennes également, puisque sur les dernières années, j'ai fait aussi pas mal de photos. Ouais. Donc j'aurais dit, d'accord, ils m'ont dit, est-ce que tu peux nous aider? Parce que nous, tu sais, on ne sait pas faire, comment on peut faire pour, faire imprimer les photos, les faire les scanner. On ne sait pas trop les numériser. Et après les tirages, et comment on fait tout ça, trouver les formats, les collages et tout ça. Donc j'ai dit, ok, on fait ensemble, je vous aide. Donc j'ai fait numériser toutes leurs archives photographiques des 50 dernières années, plus mes photos, j'ai fait des tirages et tout ça. Donc après, on a fait des tirages, on a trouvé des panneaux. C'est bien parce que tu gardes ça en mémoire, en plus. Ah ouais, ça, c'est magnifique. C'est numérisé. Voilà, donc, c'est exactement. Tu peux arriver n'importe quoi, c'est numérisé. C'est numérisé. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Tout est numérisé. Voilà, comme ses écrits, j'ai tout aussi ses écrits, donc ces photos qui sont numérisées, c'est vraiment... Alors tu as archivé tout ça? J'ai archivé, j'ai archivé. Et d'ailleurs, il y a une fondation, un groupe qui s'est monté à Berlin, qui s'appelle Archive Rome. Je les ai rencontrés, je suis allée l'année dernière à Berlin et je leur ai apporté des archives, enfin les livres de Gérard Gartner, Archive Rome. Voilà. Et donc eux numérisent à travers le monde, déjà à travers l'Europe, en fait tout ce qui concerne les Roms, les artistes Roms. Hey. Ça c'est vraiment très intéressant. Ah mais c'est bien parce que c'est la suite de ce matin. Voilà, c'est magnifique. Voilà. Et d'ailleurs, Gérard, je repars sur eux. Avant de détruire toutes ses sculptures, il a fait une dernière exposition de certaines de ses sculptures à Berlin, parce qu'à Berlin, il y a la seule galerie spécialisée dans l'art rome et tzigane. C'est la seule en Europe, qui s'appelle Quai Dicas. Ils sont charmants. C'est une très belle galerie qui est dans le centre de Berlin. Et donc, je suis allée l'année dernière pour leur apporter les livres de Gérard. Mais donc, ils ont un exemplaire, parce qu'il a exposé gratuitement, mais ils m'ont dit, ok, tu vas détruire, mais nous, on te garde une sculpture. Donc, il reste un exemplaire à Berlin. Voilà. C'est eux qui ont choisi ou si c'est lui? Je crois que c'est eux qui ont choisi. Ah ben ok, donc il reste quelque chose. Voilà, il reste quelque chose. Plus les quelques sculptures qu'il avait offertes avant, donc il y a quelques personnes qui ont quelques exemplaires. Qui ont été perdus dans l'espace. On n'a pas pu récupérer. On n'a pas pu tout détruire. Parfait. Voilà. rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagnon. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on through to the other side, break on through to the other side. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que là, okay. Le 80% des sculptures ont été détruites dans une usine qui est retraite, parce que c'est des sculptures en plastique. Recyclées. Ah. C'est pas mal, hein. Hey. Donc c'est sorti en plastique. C'est symbolique. C'est symbolique. C'est très symbolique. Ouais, je plastifiées. Voilà. Ouais. Et je t'enverrai le lien du film qui a été réalisé sur Gérard. Voir ça. Hein, parce que c'est vraiment intéressant. Curiosité. Voilà. Okay. Voilà. Donc, pour revenir à ce projet photographique, donc j'ai travaillé sur ce projet. Donc il y a cinq panneaux de, je ne sais plus, 70 sur 20 mètres, bref, on a fait des dimensions. Après, on a passé plusieurs jours à coller, à faire des montages photos et tout ça, suivant un peu les périodes et tout ça. Et ça a été exposé dans dans le nord de Paris, près de Beauvais. Donc il y a eu un vernissage et des photos, ces panneaux ont été exposés. L'année prochaine, ce sera exposé au Sainte-Marie-de-la-Mer. Ah oui. Et cet hiver, il faut que je trouve des endroits justement dans Paris qui vont accepter l'exposition de ces. Voilà. Crois-tu que ça peut se rendre à Québec, au Québec ? Comment ? Est-ce que ça peut se rendre au Québec, mais c'est trop compliqué ? Ça pourrait. Mais veux-tu sortir ça de l'Europe ou tu veux garder ça uniquement en Europe ? Non, pas du tout. J'adorerais aller au Québec. Je connais pas le Québec. Hein. Il y a un musée extraordinaire à Québec, le musée de la civilisation qui pourrait accueillir ça. Ah oui? Mais tu sais que quand tu prépares des expositions, c'est déjà 5-6 ans d'avance. Hein? Oui. Donc, mais je t'enverrai des liens. Oui. Avec grand plaisir. Tu frapperas pas. Il y a des galeries spécialisées dans la Rome, par exemple, ou en dehors de ce musée? J'irai voir. Mais non, c'est un musée qui est tout azimut. Oui. Mais il pourrait consacrer quelques... Normalement, une exposition, c'est 3-4 mois. Oui. Sauf Rodin qui a été renouvelé 3 fois. C'est Rodin. Mais je t'enverrai des liens, je t'enverrai des trucs. Parce que ça vaut la peine. Attends que je revienne chez moi, puis je vais tout... Et tu habites où? À Montréal? À Québec. À Québec. CKRL est la première radio communautaire francophone au monde qui est née à Québec en 1974. Et on s'est présenté à Paris, en Belgique, puis en Suisse. pour montrer comment on procédait pour faire de la radio communautaire. Et ça a donné la Radio Libertaire, Carbone 14, Super Nana, Les Lafesse, tout ce monde-là, le côté déglingué. Oui, oui, mais c'est CKRL qui est le premier à avoir lancé la chose. Donc, et par la suite, qu'est-ce que tu... Bien là, on est rendu à presque... Il restait un an. Là, toi, tu fais des associations mais et vin. Et as-tu d'autres choses? As-tu d'autres projets? Es-tu dans d'autres... Est-ce qu'il y a des choses qui te titillent, que tu veux mettre de l'avant? Au niveau de ce qui est mes vins? Non, mais autre chose. Organiser des choses. On t'a-tu approché pour faire des trucs... Je suis toujours très ouverte à toute proposition autour de l'art et, comment dire, du spectacle et... Mais toi, t'es vraiment branchée de partout, c'est le cas de le dire. Oui, multi-branchée, multi... Mais c'est vrai, mais t'as un réseau, si tu préfères, t'as un réseau assez vaste. Oui, oui. C'est pour ça qu'on fait appel à toi. Mm-hmm. J'ai 10 questions, j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Et la première, je sais très bien ce que tu vas dire. Si tu étais un liquide... Ah voilà. Ah ouais. Et puis un rouge, perrier, blanc. Un perrier. Oui, j'ai quelque chose avec des bulles. Mais pas un badois. Non, pas badois, okay. Non. Mais pourquoi, c'est quoi la différence entre un perrier et un badois? C'est les bulles? Il y a pas de... Oui, c'est les bulles qui sont plus fines ou moins fines. OK. Mais bon, Et toi, le vin, ce serait lequel? Si tu étais un liquide. Oh là là, quelle question, hein? Au moins, tu as le sourire, ça veut dire que le vin, il... J'avoue, je dirais peut-être du champagne, allez, parce que c'est festif, parce qu'on va aller du, comment dire... Alors, c'est rendu de champagne? Hmm? C'est du champagne? C'est tout un liquide, champagne? Oui, j'irais champagne, parce que c'est... J'en ai bu des... J'en ai bu mardi avec Michel. Le cristal de Roederer. Oh, je connais pas. On connaît la veuve Clicquot. Ouais. Et celle de Roederer. Ah oui? Ben c'est pas ce qu'on a bu mardi. Ouais. Si tu étais une ville... Une bouteille, c'est combien à peu près? Comment? À combien de champagne? Comment c'est? La bouteille que tu m'as nommée, oui. Ça coûte combien? Ça coûte cher. OK. Ouais. Trop cher? Pour la boire maintenant? Oui, exactement. Non, mais c'est 300 euros, 200 euros? Oui, non, c'est... C'est fou? Oui, c'est okay. Cher. Ouais, ouais. OK. On peut pas mettre de prix, mais c'est inaccessible. Je peux regarder, hein? Ah, tu peux? OK, ouais. Ben oui, curiosité. C'était bien. En bois-tu souvent? Dans la grande boîte. Alors, 330. Oui, c'est quelque chose. Mm. 330, c'est-à-dire 150, 3... Après, il y en avait un peu moins cher. 500 $. Ouais. 500 $. Le Pérignon, oui, Roederer, celui-ci, il est à 390. Ça dépend des années okay, aussi. Hein. OK, ça dépend des années. OK, c'est sûr. Bon, Pérignon, c'est entre 500 et 600 piastres. Le Roederer. Cristal de Roederer, lui, à 598. Oh, OK. Non. Après, ça dépend des années, ça dépend des cuvées. Ouais, des bonnes années. Il y en a un à 206. OK. Ça peut être une cuvée plus... Moins bonne. Ouais, voilà. C'est trop cher pour moi. En tout cas, pour moi. C'est trop cher pour moi. Je vais rester avec ma veuve Clicquot. C'est plus accessible. Si tu étais une ville... Si j'étais une ville, les Sainte-Marie-de-la-Mer. Ah oui? Tu as eu un appel? Oui. Ouais. Si tu étais une langue? Une langue? Oui. Si j'étais une langue? Le russe. Oh! Une langue projetée. Mm-hmm. Mm-hmm, une langue projetée. Mm-hmm. Si tu étais une époque? Ah, alors, début du XXe siècle. Ok. Les années entre 1900 et 1930. Tout était explosé, hein? Tout était à faire, tout était... Ouais. C'était incroyable. Les années folles. Les années folles, oui. Voilà, ouais. L'époque des surréalistes, voilà. Mais ça, sans aucune hésitation, d'ailleurs. Je ne suis pas de mon époque. Ok. Tu es trop tard. Il aurait fallu venir plus tôt. Ouais. Je ne suis pas de mon époque. Et si tu étais un mot? Un mot? Un mot. Amour? Amour. Oui, un mot. Non, mais parce que je pensais que tu avais dit amour. Ah oui. Oh, ben, oui, c'est... Non, je te l'ai suggéré. Non. Si non, mais c'est parce que j'allais le dire en plus. Mais, oh, c'est vrai? Oui, mais bon, c'est un peu facile. C'est un peu... Non. Non? Mais non. Non, l'amour, oui. Bon, mais c'est vraiment ce que tu voulais dire? Oui. OK. Alors? Si tu étais un aliment. Un aliment? Oui. Une figue. Oh! Ah oui? Ah, c'est... Si tu étais une saison? Une saison? L'automne. Ah, plus frais? Hmm? C'est plus frais? Non, je trouve ça très... J'ai toujours aimé l'automne. Hein. Puis aussi, c'est peut-être les vacances. Souvent, les gens prennent les vacances à l'automne. Ouais, je trouve que c'est une saison très agréable. We'll be right back. la rentrée aussi, c'est l'automne. Alors voilà, il y a la rentrée et puis il y a aussi il y a une douceur de vivre. C'est très agréable. J'aime beaucoup cette saison. C'est beau en plus. Oui. Les couleurs sont belles. Il fait doux. C'est mon anniversaire. Oh. En septembre. Oh. Il y a tout ces voilà. Si tu étais une saison septembre, si tu étais l'automne, si tu étais un membre corporel. Un membre. Oh, je sais l'idée. Le rictus vient-tu fait que tu as eu un flash? Tu passes à la censure actuellement, là? Comment? Est-ce que tu passes à la censure? Je veux dire, la censure? Une langue humaine ou une langue animale? Une langue humaine. Hein? Humaine? Ouais. Si tu étais un moment de la journée? Un moment de la journée? Ben, le soir, hein. C'est là où je suis. Pas le matin, en tout cas. Ah non, ok, t'as pas de fille du matin. Non, j'ai une fille du soir. Là. Ah ouais, tu restes dans ton lit, tu crâles jusqu'à. Ouais, c'est pénible. Le soir, sans aucune hésitation. Oui, parce qu'on débouche. C'est merveilleux, hein. Ouais. On sent le pétillement. Voilà. En fin de journée, l'heure de l'apéro. Ben oui, effectivement. Ben oui. L'heure de l'apéro. Ah. Si j'étais, voilà, au moment de la journée, l'heure de l'apéro. Ok, parfait. Voilà. Apéro à volonté. Voilà. Si tu étais un autre individu. Si j'étais? Un autre individu. À une autre personne? Oui. Ah. Ça demande une réflexion, là. Oula, ça c'est... C'est du sérieux. Ça, c'est du sérieux. C'est là. Du solide. Oh là là là là, la dernière, là, c'est... la question de fac. Ah, ça, là, c'est... J'ai pas intérêt à me planter, là. Non. Faut pas recaler, là. Alors, c'est... Sarah Bernard. Oh! Pourquoi Sarah Bernard? Alors, j'en ai deux. Okay. Je peux dire deux? Ben oui. Enfin, deux, oui. Parce que Et Alexandra Devinel. Ah, je ne connais pas. Non. Alors, Sarah Bernard, parce que c'est la première grande femme du théâtre, une grande actrice qui avait un caractère absolument épouvantable, qui a giflé, elle était à la Comédie Française et elle avait, je sais pas, 16-17 ans. Elle a quand même giflé un de ses professeurs, enfin, je ne sais plus comment elle a été, mais... Et puis elle est tout de suite devenue une légende, une immense actrice. Elle a eu plein d'amants, une multitude d'amants, elle a eu une vie absolument incroyable. Surdimensionnée. J'ai lu ses mémoires, d'ailleurs elle ne les a pas terminées, parce qu'elle est morte avant d'avoir terminé le... Mais au moins elle les aurait rédigées, ce n'est pas quelqu'un qui... Bon, c'est quand même bien. Voilà. Et puis l'autre, Alexandra Devinel. Alors, c'était une exploratrice. C'est quelqu'un qui était passionné par le... par l'Inde, le Népal, tout ça. Okay. Et elle est allée à Lhasa, donc elle a écrit un livre qui s'appelle Paris... Paris Lhasa, voilà. Ça brode d'habitude. Voilà. C'était la première femme, en fait, à arriver à Lhasa, alors que c'était interdit aux étrangers, aux Européens. Donc elle a étudié le bouddhisme et tout ça. Enfin, voilà. Et donc elle avait plus de 50 ans quand elle a fait ce voyage. On s'habille en mendiante pour ne pas être repéré, en dormant par terre avec son fils adoptiste, qui était moine bouddhiste. Elle a un courage absolument extraordinaire. De Paris à Lhasa. Alexandra Devinel. Une femme. Remarquable. Absolument remarquable, absolument formidable. Bon, il y en a plein d'autres, hein. Mais c'est les deux qui me viennent. Alexandra Devinel. Elle est vivante encore ou... Non, elle est décédée. Elle est décédée d'ailleurs, elle avait plus de 100 ans, je crois, 100 ans ou 101 ans. Ah, elle ouais. avait une énergie incroyable. Alexandra. Et... De Paris. Ah, ça m'embête quand j'arrive pas à retrouver le. Précisément le titre. Enfin, elle a écrit plusieurs bouquins, mais celui-ci est. Elle est morte à 101 ans. Ok. Voilà. Et donc. Ah là là, quelle femme fabuleuse. C'est remarquable. Ouais. Alors, orientaliste, tibétologue, chanteuse d'opéra. Chanteuse d'opéra. Féministe, journaliste, anarchiste, écrivaine, exploratrice, franc-maçonne, bouddhiste. De nationalité française et belge, franco-belge. Et voilà. C'est incroyable. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est mille vies. Et donc en 1924, elle est la première femme d'origine européenne à séjourner à Lhasa au Tibet. Exploit dont les journaux se firent écho un an plus tard. Et c'est vraiment. Et donc, son c'est livre, romanesque. C'est romanesque. Ouais, c'est ce qui me plaît. Alors, vous voulez ça, le titre Premier séjour au Tibet, le périple chinois, les œuvres. Ah. Je suis désolée, mais... Non, non. Ah, voilà. Voilà. C'est Voyage d'une Parisienne à Lhasa. Ok. Parfait. Voilà, en quelle année 1927. Oh. C'est-à-dire qu'elle a fait ce voyage en 1924. Ok. Qui a duré plus. Et 5 ans plus tard. Voilà. Mais elle a écrit. Ça a été édité en 1927. Eh bien. Voilà. Eh bien. Un livre à découvrir. Un livre à découvrir. À découvrir. Mmh. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? À choisir? À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? C'est ce qui t'a façonné, c'est ce qui t'a amené ici. Voilà. Oui, comme je dis toujours souvent, par exemple, aux amis ou les gens que je rencontre, on m'a déjà posé la question. Et c'est exactement. C'est-à-dire que si j'avais pris un autre chemin, je ne serais pas là en face de non. toi. Et voilà. Et ça me fait extrêmement plaisir. Ah, ben moi aussi. Ah, ben écoute, ça conclut très bien cette rencontre. Florence, merci de ta générosité. Merci à toi. Merci de ton livre que tu nous as ouvert et les histoires que tu nous as relatées. Et merde pour ton humoriste. On lui souhaite juste pour rire. Oui. Parce qu'il y a un juste pour rire dans le 11e arrondissement aussi. Mais si ça fonctionne bien pour lui, il peut venir à Montréal faire ses spectacles. Ce serait chouette. Hein? Parfait. C'est bien. Moi, j'adorerais. Florence, ça me ferait beaucoup. Ce n'est que partie remise. On ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Tu le sais très bien, tout le monde le sait. Ah ouais. Donc, on se souhaite le meilleur. Et encore, gros merci d'avoir accepté. Ouais, merci beaucoup. Et comme on dit chez nous, on dit ici aussi, mais on l'utilise moins souvent, à la royeure. À la revoyure, oui, c'est bon, vrai. Hein? Oh, c'est joli, j'adore ça. À la revoyure. Bye-bye. A certain maid I know is so afraid her beau will never ask her will she name the day. He calls on her each night and when she dims the light it's 10 to 1 that you will hear her say. Oh, Joseph, Joseph, won't you make your mind up? Joseph, won't you name the day? Oh, Joseph, won't you name the day? Name the day, name the day.